Let's just do it. Je sais pas, moi, je vais passer un riff de guitare, j'en sais rien. Ou alors, c'est un morceau qu'on connaît, je sais pas. Moi, je veux bien chanter, si vous voulez, si vous avez un morceau. Mais quoi ? Je ne sais pas. Ah ouais, mais ce truc-là, je sais pas faire, ça. I was just a little bit. transmettre pour le monde. Sur YouTube. j'essaie ça. Alors attends. On partira. Hein. Ils font comme ça les mecs. J'ai envie de mettre au nom. On commence. Yeah. hormis. Thank you. Thank you.